Thank you.

avait été français. Ah, parce que t'es en Islande, toi. To answer before, no, I just missing. Ah, ok. Non, mais. Je vais parler islandais. Buenasera. Amo la lingua italiana, c'est bella da interpretare. Je suis bon là, non? Amo la lingua italiana, c'est bella da interpretare. Che passa? Compra una nuova cedda audio. De guitare. Merde, j'ai perdu mon traducteur. Traducteur, s'il vous plaît. Oh putain, c'est toujours anglais-français. Français-anglais. I like the sound of your guitar. It sounds good. Yeah. English also. Ok. Bah oui, on est bien obéi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français.